89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du studio 1 de 1 du 89.1. C'est le palmarès Cifou. Bonjour, bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 mars 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui, on est ensemble pour les trois prochaines heures, Tania. Apparemment, c'est ce qu'ils disent. On est rarement ensemble. C'est vrai? À l'extérieur de la radio. C'est ça. Au travail. C'est pas vrai parce que nos bureaux sont collés un à l'autre et on est tout le temps à côté de l'autre. Je me sens observé par Tania toute la journée. Ah, je suis désolée, Mathieu. Ah, c'est comme ça. Donc, bienvenue pour cette émission. On va passer ensemble le top 20 francophone et le top 20 anglophone. La semaine passée, notre numéro 1 anglo, c'était The Pretty Reckless avec Back to the River. Et du côté francophone, eh bien, le numéro 1, c'était les Dales Hour Chuck avec Lemmy. Mm-hmm. D'ici là, par contre, on a plein d'autres choses à se faire. Palm Rest in Peace. Oui. On a le C'était fou. Exactement. C'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Ça fait le tour. Ouais, on a épuré pas mal l'émission. De nouvelles entrées, il y en a 5 en tout. Du côté anglophone, j'en ai une seule, c'est celle de Napalm Palm avec Get Love sur l'album The Core Competencies of Napalm Palm. Du côté francophone, vous l'aurez deviné, si Mathieu vient de dire qu'il y en a juste une du côté anglophone, c'est qu'il y en a 4 du côté francophone. Alors, mathématiques. Wow. Exactement, on va voir un petit peu plus tard Aquaserge, Barbagallo, Émile Bilodeau, mais on commence tout ça avec Le Jour et Calypso Valois. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Entrée. Ah! j'ai juste assez le temps de trouver un gif animé pour ma conversation Facebook. C'est comme ça que ça se passe. Moi aussi, de mon côté, c'est ça que je suis en train de faire. Mais tu sais, il faut mettre du Donald Trump sur la fin d'une conversation. On n'a pas le choix. Pas le choix. Donc, on va entendre des pom-pom avec Get Love sur le palmarès anglophone. C'est en position numéro 20 sur l'album The Core Competencies of Napalm Palm. Et eux, en fait, ce qu'ils disent dans leur résumé, quand même assez simple, ça dit un très très bon groupe de rock and roll de Calgary en Alberta. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ben c'est marqué cliquez ici puis vous allez l'avoir parce que c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ben ils oui, disent qu'ils sont tellement bons que même les membres du band jouent du air guitar sur leur propre chanson. Ah, ils doivent être vraiment bons. Ils ne prennent pas pour de la chenou. Donc Napalm Palm, tout le temps difficile à dire, mais N-A-P-A-L-M-P-O-M. Et du côté francophone, eh bien, en 20e, c'était Calypso Valois avec Le Jour. Le Jour qui est leur premier single du premier EP qui a vu le jour en 2017, plus précisément le 13 janvier. Donc, c'est tout nouveau, tout frais. Et si jamais ça vous intéresse, bien, ils ont une page Facebook assez divertissante, merci, mais avec absolument pas d'informations sur eux. C'est cool, tu vois. C'est vraiment très cool. C'est à mode de rien dire. Ouais, c'est ça, c'est ils gardent un mystère. Laisse planer le doute, mais un gif de Donald Trump et tout fonctionne. Exactement. D'après moi, Calypso Valois, c'est un groupe de filles parce que du moins, leur photo Facebook, c'est une fille. Oh, bon. Cool. Oui, c'est ça. On a dit tantôt qu'on avait 5 nouvelles entrées, donc il nous en reste 3 et on va les entendre dos à dos, une après l'autre, parce qu'elles sont toutes du côté francophone. Plus tard, on va avoir un groupe que je mise beaucoup sur leur nom. Serge, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment très hot, ouais. Hein? Il y a aussi Barbagallo. Barbagallo. Ouais. Écoute, c'est comme du galop. Oui. Mais du Barbagallo. Ben, c'est mettez n'importe quelle syllabe ensemble. Napalm Palm, Serge, Barbagallo. Peu importe, là. Puis là, t'as celui qui fit pas, qu'on va aller écouter, qui est Émile Bilodeau avec Tu me dirais-tu. Non, ça fit, ça. Mbilodeau. Mbilodeau. Mbilodeau. Ça va quoi? Il parle assez fou. Ok, attends, mais j'ai eu des hauts, des bas. J'ai eu des zéros et des A. J'ai reçu des gauches et des droites. C'est à des débauches maladroites. Mais je me souviens d'absolument rien. À part que j'ai jamais été bright et que j'aime caler des causes light. Et pour ma part, je considère que je suis mort depuis hier. Car j'étais fou de toi et j'étais fou de joie. Mais tu m'as trompé, c'est pour ça que j'ai dû te crisser là. Au fait que tu me dirais-tu. Ça valut la peine, tu me dirais-tu? Si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey. Hey. Hey. Et j'ai appris à mes dépens que les lendemains de veille étaient tough. Et puis qu'apparemment que le soleil c'est un esti de show-off qui fait que les matins ils se meurent. Oh, lorsque vient de passer 11 heures, à cause de lui il fait beau. Puis à soir j'ai un show dans un bar. Je vais pouvoir faire mes chansons, je paye en bière de toute façon. Hey. Je vais pouvoir boire pour oublier sur le dos de mon employeur mes sentiments refoulés comme la poutine puis la peur. Et puis les filles sont jolies, puis ma carte de crédit est complètement loadée à force d'essayer de tout vouloir les cruiser. Mais comment faire pour t'oublier? Hey, hey, hey. Oh, fait que tu me dirais-tu si ça valut la peine, tu me dirais-tu? La longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey, hey, hey, hey. J'ai fait un gros feu de joie avec des photos de toi. Mais ce n'était pas tes plus belles. Fait que prends les pas personnels. Anyway, j'ai gardé tes pics de chicks dans ma chambre. Je sais, c'est triste. Oh, et c'est dur à comprendre. Hey! Oh, mais le printemps a ben de la peine. D'ailleurs, j'ai perdu mes mitaines. Puis tout le monde dans le bar est un peu saoul. Puis dehors, il pleut des clous. Oh, fait que tu me dirais-tu Si l'avenir nous réserve de quoi de beau, tu me dirais-tu? Hey, hey, ce qu'annonce la météo. 18. Yeah. quoi Serge. La pièce Tour du monde du côté francophone. C'est en position numéro 17. Nouvelle entrée sur l'album Laisse ça être. C'est particulier, hein? Ouais, quand même. On dirait que c'est comme n'importe quoi. Mais on n'est pas très sûr. T'es dedans quand même. T'as... C'est ça. Ah. Final. Ça s'en vient. Pas de finale. Ah, pas de finale. Pas de finale. OK, bing, bang, de même. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Avant ça, on l'a entendu en position numéro quoi? 18? Oui, ben c'était Barbagallo avec Nouveau Cidobre. Nouveau Cida. Et écoute, Mathieu, je te dirais que Barbagallo, lui aussi, c'est pas un gars qui met beaucoup d'informations de lui sur les internets, parce que sa page Wikipédia est trouvable comme à la 4e page de Wikipédia. Wow. Mais au moins, il y en a une. Oui, exactement. Mm-hmm. Allez, on a débuté avec la position numéro 19 du côté francophone aussi, Émile Bilodeau, on n'a plus besoin de le présenter lui, l'album Rite de passage et la pièce Tu me dirais-tu. Maintenant, hey, on a 5 nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on doit dire au revoir à 5 autres. Voici Palmerest in Peace. Just mountains of change. Si tu as quitté depuis les précédents palmarès. Et ça prend combien d'étincelles, combien grande et combien belle, combien pour oser mettre des ciseaux dans mes selles, me regarder tomber vers le feu que tu voulais trop m'allumer. Et ça prend combien d'étincelles, combien grande et combien belle, combien pour oser mettre des ciseaux dans mes ailes. Se couche le doux soleil d'or sur les plages d'argent. Elle porte seulement qu'un collier de diamants. Qu'un collier. On a commencé tout ça avec une pièce qui me fait tant sourire et je suis triste de l'avoir quitté comme ça. C'était Michelot avec Tu souris pour lui plaire ou lui montrer les dents, qui est resté au palmarès pendant simplement 5 semaines. Oh, je sais, c'est pas beaucoup. Ensuite, Gab Paquet a fait ses sacs et ses paquets pour la pièce Diamant qui a duré 7 semaines. Mary Davidson nous a dit au revoir et surtout adieu au dance floor. Elle est, mais elle est restée quand même pendant 8 semaines. Je vais la garder dans ma mémoire longtemps. Oui. Ensuite, Autruche a retourné mettre sa tête dans le sable. On s'ennuiera pas tellement. Tutu la molle qui a duré 8 semaines. Trop pour moi. Et on n'a pas le choix parce que Karma needs to come around avec Duro Tang qui restait là pendant 8 semaines. Ah, ça c'est le jus d'orange en poudre. Exactement. Voilà pour le Black Palmer Rest in Peace. C'est pas le Black. Pas le black. Le bloc. Le bloc. C'est pour tout le monde, peu importe la couleur. Il faut que vous compreniez qu'on est vraiment fatigué. Le black. Oh, bon boy. Black à part. Black à part. Prochain bloc, c'est les positions numéro 16 et 15. Par contre, on va sauter par-dessus Jet Cool avec À la plage qui est stable pour entendre plus tard Alpha Tra et Cold Folks, mais on débute en 16e position anglophone. Ok, oui, on s'en va écouter Los Campesinos avec... Oh, five fluxacalicilicae! C'est les palmarès, c'est fou! Au 89, FM! Flaga, flaga, flaga! Sous-titrage Société Radio-Canada. jelly roll. And give you a piece of cake that can save your soul. Save your soul. My mama told my hair in curls, oh, there's no use for you to keep on hanging around. Hanging around. I know you want it, I got to turn you down, down, down. Well, your jelly roll might be fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, you can have it, I ain't gonna give you none. C'est Jelly Roll, elle descend de la 6e place en 15e anglophone sur l'album. Sur l'album? Sur l'album? L'album descendre en haut. Ok, oui, on a attendu avant ça Alphatra avec La Fuite, qui est la 15e francophone. On a monté de 2 positions depuis la semaine dernière et on est au palmarès simplement depuis 2 semaines. Fait qu'à date, j'ai album et un black musical. Ça exactement, va super ça, bien. Ça va très bien aujourd'hui. Magnifique! on est rendu à un autre bloc de 3 quarts. Oui, on va faire 3 pièces sur 4. Donc, ce sera les 14 et 13e. Mais la plus vieille, c'est Paupières qu'on va sauter avec Rex. Elle est stable, mais elle est là depuis 11 semaines. Donc, on va entendre plus tard Cloud Nothings et De La Reine, mais on débute en 14e anglophone. Oui, exactement. On commence avec Autopilot et Hurricane. Bon, c'est des paroles assez fous, ça. Au 89 FM. Ça ressemble à ça. Un album. Le meilleur album, là. Lolo. Lolo. Without a care.

Cloud Nothings, Internal World. Cloud Nothings, ce sont nos petits wannabe simple plan, la position numéro 13 qui monte de la 18e place de l'entrée de la semaine passée. Ok, oui, avant ça, on a entendu De La Reine, 13e place francophone avec l'impérative. Et on est descendu de la 4e position depuis la semaine dernière, mais ça fait quand même 8 semaines qu'on est là. En 14e place anglophone, c'était Autopilot qui est stable avec la pièce Hurricane. C'est ça, Mathieu. Quoi? On a commencé par la 14. Qu'est-ce que tu l'as dit, hein? Oui. on a fait le tour. On a sauté par-dessus paupières de Rex, comme tu l'avais dit tout à l'heure. T'as raison, t'as puis, raison. Puis on a fait un bloc de 3. Moi, tu sais, tu changes l'ordre de ouais, place, je ça sais. Me défait. T'sais, mais c'est toi qui as décidé de changer l'ordre aujourd'hui de comment on faisait. C'est drôle quand même que ça arrive sur le groupe Autopilot, alors que j'étais clairement sur le pilote automatique. Clairement, clairement, c'est, je sais. Ça s'appelle de l'ironie. Ben oui, quand même. J'aime ça. Mais c'est la preuve que les hommes peuvent pas faire deux choses arrête en même temps, donc. Tandis qu'une femme peut. C'est absolument faux. Absolument faux. OK, c'est quand la dernière fois t'as fait deux choses en même temps puis t'as réussi à suivre? Faut dire que tu m'as déconcentré par des blagues inappropriées qu'on ne peut pas refaire en ondes. Qu'est-ce qu'on a fait comme blague? Je suis en train de dire que c'est difficile sur iOS quand t'as à choisir un emoji. Ouais. Des fois, tu veux prendre un emoji qui représente quelqu'un. Comme là, j'avais à représenter quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Fait que j'ai mis le bonhomme avec le chapeau de poêle. Là, Sauf que là, depuis quelques versions d'iOS, ils ont décidé qu'il y avait des versions féminines et des versions masculines de chaque personnage. C'est vrai? Et le bonhomme avec le chapeau de poêle, vous remarquerez qu'à moins de le regarder vraiment de très très proche, sont c'est pas mal pareils. Ouais. Ils sont pas mal identiques à part pour la bouche, peut-être. Là. C'est ça. Fait que bref, j'ai dit que je savais pas c'était lequel. Puis il y a des gens qui ont pas le bon iOS, fait que ça met un petit symbole féminin à côté. Fait que ah, pour vrai? Ouais. Je savais pas. Ouais. Ah, ouais. Hey, c'est bizarre. Fait que ton gag transgenre ne s'applique pas ici en ondes, c'est ça? Ok, mais fallait pas que tu le dises. Ah, excuse-moi. Ah, hey, c'est difficile des fois là, à suivre. Oh, je suis désolée. Je suis désolée, c'est des choses qui arrivent. Et voilà. Bref, on est en train de dire. Qu'on revenait à nos positions numéro 12 maintenant. Exactement, tiens. Oui. Donc, du côté anglophone, il y aura Home Shake avec Every Single Thing qui monte de 3 places de nouveau la semaine passée. Mais du côté francophone, on va aller écouter notre mix assez étrange. Par vous allez voir, ben oui, exactement, de groupe Doué et Cheveux avec Je Penche qui est monté de 8 positions depuis la semaine dernière. On va faire assez fou. Au 89FM. Oh, Are you even paying attention to me right now? Every single thing, position numéro 12, anglophone. Et du côté francophone, on a entendu notre band qui sonne pas mal plus international que toutes les autres bands qu'on entend. Donc, c'était groupe Doué et Cheveux avec Je Penche. Disons que c'était un bloc qui a vraiment été hétéroclite. Mettons. Alors, c'est la fin de la première heure de l'émission. Il nous en reste deux autres. Dans la deuxième heure, ce sera la portion top 10. Donc, les positions 10 à 6 s'en viennent à rester parmi nous, s'il vous plaît. C'est fou pour la semaine du 6 au 12 mars 2017. Elle est Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Oui, Caroline, ouais, tu me pointes en plus. Ben oui, je sais. Caméra 3, c'est pour ça. C'est important, les mouvements. Oui, hein? ben oui. C'est comme de la danse contemporaine à la radio, mm-hmm. On aime ça. On se fait aller les hanches. Exact. C'est pas trop. C'est bizarre un peu, ça a l'air sexuel. Ouais, je sais pas. Donc, pour ça, numéro 10, anglophone, hein, The Franklin Electric, qu'on avait en entrevue à l'émission ici même la semaine passée, dans ces environs-là, environ vers la moitié de l'émission. Donc, The Franklin Electric avec I Know the Feeling qui monte la moitié du palmarès de la 20e à la 10e place. On monte quasiment la moitié du palmarès aussi du côté francophone parce qu'on monte de la 19e position pour Mardi Noir avec Des jours et des mois. Oh, ben, puis on se fait aller le bassin, puis dans quelques jours et mois, ben, il y aura un petit bébé. Et puis, Mathieu. Un bébé musical. 9 mois exactement. Ouais. Je vis loin de toi.

Qu'on aime entre autres à cause de leur nom qui ressemble au palmarès, c'est fou. Century Palm avec Then You're Gone, position numéro 9 anglophone, ça monte de 4 places. Du côté francophone, on a réussi à monter de 2 positions pour Saratoga avec Danser Lent. Avant ça, en 10e place, c'était The Franklin Electric avec I Know The Feeling en anglophone qui monte de 10 places, c'était nouveau la semaine passée. Et on a commencé tout ça avec Mardi Noir qui, eux, ont monté de 9 positions avec Des Jours et Des Mois. Quel bon bloc! Et que oui! Et bâtard, mais ça va continuer comme ça? Bâtard! Bâtard! C'est ça même, toi, radio. Ça me rend, là. Ça rentre dedans, hein? On voit ça. Donc, position numéro 8. Je fais ça à chaque semaine, je pense. À chaque semaine, j'ai l'impression qu'après la 10 puis la 9, c'est la 7. Mais non, c'est la 8. Pourtant, des comptes, c'est pas mal tout le temps dans le même ordre. Ouais. tout le temps, Mathieu. Il... Pff, en tout cas. Hein. Ah, aujourd'hui, hein. Position numéro 8, donc en anglophone, Tibber Tabor avec Sewer Blues qui monte de 3 places. Et un band qu'on adore du côté francophone, c'est Le Couleur avec Premier Contact. Ah, ben, Colin, c'est pas mal assez fou. Ça, je suis capable de le retenir, ça. Ah, et ouais, mais au 89.1 aussi. Oui, FM. Ouais. cigarette. Raise a roof above this ruin as the song repents. Order of the underground. As the sewer runs clear, stretch your skin in front of me. Undo every other year. But now I come for you. I come for you. For your vapors and your perfume. For your fog-filled room. For your body and compass. For the body you adorn. As a bed is a necklace. As a mask is a horn. It's all flesh out, fleshed out and forgotten now. I'll go way back to you. I'll go way back through your blood. I'll go way back to you. I'll go way back through your love. I'll go way back to you. I'll go way back through your love. I'll go way. Timber Timber et Sewer Blues qui montent de 3 places en position numéro 8 anglophone. Et du côté francophone, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, c'était Le Couleur avec Premier Contact qui sont montés de la 18e position. Wow! Ouais. C'est du pas pire talent, ça. Mm-hmm. Hein, c'est de même, quand tu travailles fort, tu montes vite. Mm-hmm. C'est vrai. Ah, maintenant, les positions numéro 7, là, c'est vrai. Là. C'est vrai, là, c'est vrai, c'est le temps de le dire. C'est pas les suites, là, c'est les 7e. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, du côté anglophone, ce sera Tegan and Sarah, mes préférés, je les adore, tu le sais, avec U-Turn qui monte d'une place. Et du côté francophone, eh bien, on descend de la 3e position, donc on perd 4 places pour Chocolat et Loulou. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Mm-hmm. Nous sauver, nous regarde avec 7. FFT Grenzer avec U-Turn qui monte d'une place en 7e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Chocolat avec Loulou qui, elle, est descendue de 4 positions depuis les 6 dernières semaines. Tout à l'heure, les 6e places, Murmure et Bronco. Mais avant ça, on retourne dans le passé. Voici C'était fou. Cette fois-ci, on recule à la semaine du 11 au 17 mars 2013. Dans ses pieds, ta danse est ce qu'est, comme on laisse la foule. It's our to be taught. thinking of an island, maybe. Oh, Archipelago, take me. I'm looking to isolate me, terra incognita, baby. I'm getting away from all that. Light up, light up, light up, light up, light up, light up, light up. I'll bring a book to read, Crusoe to get me in my theme. I'll bring my heart to break, gonna find some pretty wicked thing. I'll bring some chocolate, ain't no way she could resist. And I'll bring my papa's tricks, cause there ain't no helpline in the sticks. C'était les positions numéro 1, une pièce bonus de la semaine du 11 au 17 mars 2013 dans le bloc C'était fou. Donc on a commencé avec le numéro 1 francophone. Mes bons amis de Olinéa, on les aime. En tout cas, moi j'adore le son d'Olinéa. Et puis, on a la chance. On les adore, on les adore. On a la chance de les avoir, exactement, oui. Est très bonne. Très bonne. Donc Olinéa, nouvel album qui est disponible maintenant. Mm-hmm. Hein? Donc ça venait de leur album Distraction. Et la pièce s'appelait Ta plus belle extorsion. En plus de ça, on a entendu le numéro 1 anglophone Bears of Legend avec Let Me Be sur l'album Good Morning Motherland. Et j'ai choisi une pièce bonus The Sticks par Mother Mother sur leur album The Sticks. Aussi dans le top 20 francophone cette semaine, il y avait Tire le Coyote, il y avait Mauve, Pierre Lapointe, Rouge Pompier, Hôtel Morphée, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du Tremblay, Les Trois Accords, avec pas de casque, Chantal Archambault, Karim Ouellet, Bernard Lamus, Les Sœurs Boulées. Hey, c'était vraiment une grosse semaine. En anglophone, on avait Elephant Stone, The Damn Truth, We Are Wolves, Diamond Rings, The Darkness et The Vaccines. Voilà. C'est tout pour le bloc. Ben c'était ouais. Tout. Ben voilà. C'est des voilà. Choses qui arrivent. Beaucoup de choses. Hein? les liens sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, on était rendu à entendre nos positions numéro 6 du côté anglophone. Ce sera Bronco avec Falling Free qui descend de 4 places. Mais on commence tout ça avec Murmure et Écho à la 6e francophone. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Mm-hmm. Thank you. J'entends Bowling Free à chaque fois, puis je me dis comme, il n'y a aucune key là-dedans, c'est incroyable. C'est vrai, hein? Bronco avec Falling Free qui descend de 4 places en 6e anglophone. Et du côté francophone, c'était Écho de Murmure qui, elle, est montée de la 9e à la 6e. Eh oui, c'est la fin de la 2e heure, il nous en reste une 3e et une dernière, donc. Ok, oui. On va voir le top 5 là-dedans, on va savoir si le numéro 1 anglophone est toujours du, donc, The Pretty Reckless Way avec Back to the River. Et du côté francophone, on va essayer de savoir si c'est toujours les Dells à Woodchuck avec Lemmy. C'est au retour. Ouh, j'ai hâte. Lemmy Guess. Lemmy Guess. C'est fou, 89. C'est fou qui se poursuivent pour une 3e heure en cette semaine du 6 au 12 mars 2017 avec Dania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, que oui! On a du plaisir à entendre la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, un top 20 francophone, un top 20 anglophone, dans cette 3e heure. Je pense qu'on devrait se gâter avec un petit ailleurs dans les palmarès. Oh oui! Ça ferait du bien, ça fait un petit moment de ça quand même. Mais commençons par les 5e places. Donc en anglophone, ça montera de la 9e Japan Droids avec Near to the Wild Heart of Life. Et du côté francophone, eh bien, on monte de la 7e et ça va être Clo Pelgag avec Les Instants d'équilibre. Ah, es-tu cute, hein? Oh! Oh. Ça, les palmarès, c'est fou. 89 FM. Me under. Coming Up For Air, Darcy's. En position numéro 4, stable du côté anglophone. Du côté francophone, c'était Ludovic Allary avec L'Appartement. On avance. Tout à l'heure, après les deuxièmes positions, on va faire ailleurs dans les palmarès. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la musique du monde. Ben oui, pourquoi pas. Tout en saluant David Ferron et son émission L'Hub Trotter. Exactement. Donc, on fera ça tout à l'heure. Mais avant ça, en troisième place, Ty Segall est là en anglophone et il monte de la septième place avec Thank You, Mr. K. Et du côté francophone, eh bien, on descend de deux positions. Oui, oui, vous l'aurez deviné, c'est notre ancien top 1. Oh, come on! C'est les Dale's Hour Chuck avec Lemmy. Bon, ben, c'est fou! Au 89 FM. Seagull, thank you, Mr. K. En position numéro 3, anglophone, ça monte la 7e. Oh oui, et du côté francophone, eh bien, on a entendu Lemmy de les Dale's Hour Chuck qui, eux, sont descendus. Il y a deux positions. Lemmy, qu'est-ce que le chat, il est mis quoi? Il est mis. C'est c'est ça. Faut pas regarder Facebook genre 30 secondes avant de revenir en ouais. Est-ce qu'on peut raconter un peu? J'ai ben ça, en fait ça l'a juste comme popé sur Facebook. Oui, là, c'est ce qu'ils disent tout, c'est ce qu'ils disent tout. Tu cherchais spécifiquement ça. Oui, clairement. C'est un de mes amis qui a partagé ça. En fait, c'est comme un chat qui joue avec les couilles d'un chien. Les couilles? Le petit sac d'un chien? Oh, qui a même pas l'air d'avoir mal en plus. Hein? Non, exactement, mais c'est vraiment très drôle. C'est parfait. Partage-nous ça sur la page des Palmeras, c'est fou. Oh mon Dieu, non, je suis pas certaine. Pour avoir de la pertinence. Non, Facebook l'a même pas enlevé, fait que ça doit pas être si pire que ça. Ouais, j'avoue, ok. C'est Facebook qui enlève une femme qui allaite, là, c'est vrai. Hein? Ouais, bon. Je vais essayer de vous retrouver ça. On verra. On verra. Oh, wow. Donc, pour ce numéro 2, maintenant, du côté anglophone, c'est The Pretty Reckless avec Back to the River. C'est l'ancien numéro 1 en anglophone, donc on a un nouveau numéro 1. J'ai hâte de savoir c'est qui d'ici la fin de l'émission. Et du côté francophone, eh bien, c'est un gars qu'on adore écouter ici, assez fou, et surtout une de nos chroniqueuses qui est Justine Renaud. Alors, on va lui offrir, voici Peter avec Bien Réel. Ah, les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Ça rapproche les gens. J'ai retrouvé sous mes angles de la terre celle d'un endroit où je n'ai jamais été. Dans mes mains, elle prend la forme d'une spirale. Plus je la fixe, plus je sens qu'elle m'avale. C'est alors que je me laisse tomber, puis me réveille dans un lit drapé d'or. Le plafond est étoile, sol, jardin. Des cascades dans mes cheveux se frettent au chemin. Royaume où règne la musique et le silence. Il me fut entièrement légué, oui, je pense. J'imagine que c'est bien réel. J'imagine que c'est enfin vrai. J'imagine que c'est

classée numéro 1 de Brand New Reckless, c'est Back to the River. Maintenant, poste numéro 2 anglophone sur l'album Who You Selling For. Ah, j'aime tellement cette chanson-là, oui. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'aime aussi celle qui vient de jouer du côté francophone, qui était Peter Peter avec Bien Réel, qui est montée de la 5e à la 2e position cette semaine. True story. Ok, oui. Elle reste seulement le numéro 1. Avant ça, par contre, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, c'est la section où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. On va garder les numéros 1 du top 30 et du top 3 secret pour ne pas révéler la position numéro 1 anglophone. Ça te va, Tania? Top 1 des albums et top 1 des 10 canadiens, c'est bien ce que tu as dit? On les dira fort. Exactement. C'est ça. Donc, regardons les nouvelles entrées. On a une seule dans le top 30 des albums. On parle de The Lonely Parade avec l'album No Shade. Et le top 3 est bien en troisième position, c'est Ty Segall de l'album Ty Segall. En deuxième position, The Pretty Reckless avec Who You Selling For. Et on vous garde la première position comme surprise. Dans le top 3 des disques canadiens, c'est Dupin Droids qui est en troisième place avec Near to the Wild Heart of Life. Et en deuxième, c'est Darcy's avec Centerfold. On vous garde le numéro 1 secret encore une fois. Dans le top 10 loud, deux nouvelles entrées. En 10e place, l'album No God de Infernal Majesty. Et en 9e place, c'est l'artiste Evocation avec The Shadow Archetype. Le top 3, c'est Overkill avec l'album The Grinding Wheel. En 2e position, Sepultura de Machine Mesha. Et la première position, c'est Creator de l'album Gods of Violence. Ouais, dans le top 5 musique du monde, maintenant, deux nouvelles entrées. En 5e place, la pièce Lita Ruta de l'artiste Shugo Tokumaru. J'aime beaucoup le fait que tu me laisses les trois premières positions. Il me reste la quatrième que j'ai oublié de faire. C'est Tijan. Tijan. La pièce Tijan de The Bongo Hop featuring Nidia Gongora. Et le top 3, eh bien, en troisième position, c'est Makusha Montréal avec, oui, Short et So Called. En deuxième position, c'est Lamento Mompocino de l'artiste Jungle Fire. Et en première position, attention, attention... Sustain a Cam de Tinari Wen. Karine, Tania, c'est comme si tu l'avais fait toute ta vie. Pareil. C'était parfait. C'est comme si j'avais fait de la musique du monde toute ma vie. Tellement. Hey, veux-tu en entendre, justement? Ben, pourquoi pas? Alors, on a décidé ensemble, même si je t'ai un petit peu poussé dessus, mais quand même, je pense qu'on s'entendait bien pour dire que la pièce Lita Ruta de Shugo Tokumaru. Oui. Et celle qu'on a préférée dans ce qu'on a entendu. Donc, c'est voici vrai. Ça. C'est le fun, c'est plein d'instruments, c'est full genre enfantin. Ah oui, vous allez voir. C'est pas mal, c'est fou. Ailleurs, dans les palmarès. C'est parti! Thank you. Tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, tutanita, Tokumaru avec la pièce Lita Ruta. C'est sur l'album TOSS, T-O-S-S, nouvelle entrée en 5e place du palmarès Musique du Monde que vous pouvez entendre tous les jeudis à 16h dans l'émission L'Op Trotter de David Ferron. Ça repasse aussi les mercredis à, il me semble que c'est 19h. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Bref, L'Op Trotter, allez le retrouver sur Facebook. Maintenant, il nous reste seulement les numéros 1. C'est comme ça. Mm-hmm. On nous reste assez de temps juste pour ça, pas mal. On n'aura pas grand temps de lousse, mais c'est pas grave. À un moment donné, c'est bien beau, de vouloir laisser aller les animaux dans le pré, les chiens dans le bois, ouais. Les singes, je sais pas trop, qui courent partout. Oui. Mais ça n'arrête pas de faire du bruit. Mais oui, ça se peut pas. Bien. Ça se fait comme arrête. Je vais te convertir. Parle en français. OK. Parce que des fois, tu voudrais que les animaux comprennent. Tu voudrais comprendre les animaux, tu voudrais que les animaux te comprennent, un peu comme Dr. Dolittle. Mm-hmm. Tu comprends? Mais ça, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une utopie. Peut-être dans l'espace, peut-être que, tu sais, les extraterrestres, j'imagine que s'ils arrivaient sur Terre, tu sais, ils pourraient commencer à parler notre langue. Comme dans tous les films, je pense, on regarde les extraterrestres dans les films, puis ils parlent la même langue que les autres, mais c'est pas leur langue principale, leur langue maternelle, tu sais. Peut-être que dans le futur, un jour, quand les extraterrestres vont arriver, puis ils vont prendre la place de Donald Trump, ça paraîtra pas bien. Mais j'espère. Ça paraîtra pas bien. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes références. Pas vraiment des jeux de mots cette fois-ci, mais bon. Non. Puis je te dirais que je vais avoir de la difficulté à retrouver tes références. Je vais t'aider. OK, c'est bon, parce que on va commencer, en fait, du côté francophone. Le top 1 cette semaine, on le sait, ça l'a changé. C'est plus les Des Hour Chuck avec Lemmy. Donc, du côté francophone, cette semaine, c'est l'ancien numéro 2. On parle de la conversion des sauvages avec Jappe le chien. Et là, tu dois me référer sur, justement, ta propre métaphore, parce que j'ai pas totalement compris, Mathieu. Un chien, comme dans, tu sais, tu veux apprendre à sa langue, donc tu vas convertir, oui, les sauvages. Okay, convertir. Ça s'appelle la conversion des sauvages. Donc, tu conversation, puis tu convertis sa langue. Je comprends maintenant. De l'album, bien évidemment, La conversion des sauvages, qui est le même titre que les artistes. Ben ouais. Voilà. Et du côté anglophone, eh bien, on va y aller du côté du futur. On va parler un petit peu avec les aliens aussi, parce que l'album, c'est Future Politics. Donc, t'as aussi parlé de Trump. Ouais. T'as parlé d'utopie aussi. Oui, c'est utopique de parler à des animaux, comme ça. Exactement. Comme Dr. Dolittle. Puis Astra, comme dans genre Astral. Ah, tu vois, celle-là, j'avais catch. Reste, ouais, c'est le nouveau top 1 du côté anglophone qui est anciennement le top 3. Mais commençons avec la conversion des sauvages. Voici l'ancien numéro 2, Jappe le chien, tout de suite au palmarès. C'est fou. Au 89 FM. Mes pas, ses doigts habillés. De chaque côté, on va y entendre en anglophone Austra avec Utopia qui monte de deux places sur l'album Future Politics. Et du côté francophone, c'était Jappe le chien de la conversion des sauvages. Voilà, c'est déjà tout pour les palmarès si fous de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Tania. Merci à toi Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine, les mardis, entre 14h et 17h. Après nous à 18h, notez l'heure exceptionnelle cette semaine, la 750e de réanimation. Donc c'est à vrai. 18h. Ensuite, on repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous encore réanimation, suivi de matière noire. et finalement les samedis entre midi et 15h. Après nous, à 18h, nouvelle heure pour la rediffusion de Radio Sonic, suivi d'Audiomatique. CIFF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une dernière pièce qu'on a sauté plus tôt, la 18e place anglophone. Oh oui, on s'en va écouter Drive-By Truckers avec Surrender Under Protest. Voilà, on se rend, on met les manottes et on s'en va. Exactement. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Was the mission, and that the wrongness of the sin was not the goal.